Sans vouloir pénétrer dans le domaine de la théologie, elle aimait les saintes écritures. Et c'est dans la Bible qu'elle puisait certainement la tendre sollicitude qu'elle avait pour les hommes. Et cette cordiale charité, qui selon le témoignage de Jean Boucher, la rendait consolative, conformative, cette charité qui faisait d'une princesse de Bourbon si imposante par le grand air de sa race, la femme la plus douce et la plus accessible. Les lettres eurent aussi pour adepte la femme du premier, Henri de Condé, et Jeanne d'Albret, qui entra dans la maison de Bourbon par le mariage. La fille de Marguerite d'Angoulême protégea les savants, les poètes, et correspondit avec l'un de ceux-ci, Joachim du Bellay. Dans tous les rangs de la société, au XVIe siècle, les femmes, redisons-le, partagent avec ardeur les occupations qui passionnent les intelligences. Mais, en général, elles fuient la publicité. Les Lyonnaises se distinguent par leur talent, mais c'est surtout à la Renaissance païenne qu'elles appartiennent par leurs œuvres. Elles chantent l'amour à la manière des lyriques grecques, dont la langue est d'ailleurs familière à plus d'une, comme il convenait dans cette Renaissance où la poésie même était érudite. Chez la plus célèbre des muses lyonnaises, Louise l'Abbé, la belle Cordière, poète et prosatrice, l'influence hellénique est visible, bien qu'altérée par le mauvais goût italien. On sent frémir dans ses poèmes quelque chose de la verve passionnée que possédait Sappho, la poétesse hellénique dont le surnom lui fut donné, à elle comme à tant d'autres qui le méritaient moins. Mais quel que soit le paganisme poétique de la belle Cordière, l'ineffable tendresse que l'Évangile a mise au cœur de la femme n'est pas étouffée en elle et donne parfois à salir des accents pleins de mélancolie. Si Louise l'Abbé rappelle Sappho par son lyrisme, son héroïque conduite au siège de Perpignan nous fait souvenir d'une autre grecque célèbre, Thélésia, poète et guerrière. Comme les auteurs antiques, Louise l'Abbé eut l'honneur d'avoir son glossaire, elle lui-même de son vivant. Auprès de Louise l'Abbé se range son amie Clémence de Bourges, Pernette du Guillet, toutes deux poètes et musiciennes, comme l'avait été la belle Cordière. Pernette du Guillet chante avec l'amour la pure amitié. Ses œuvres sont caractérisées dans leur ensemble par une noble élévation et un sentiment moral vraiment philosophique. Ne séparons pas du groupe lyonnais la fougueuse émancipatrice dont nous parlions plus haut. Clémence de Bourges, Pernelle du Guillet, Marie de Romieux unissaient la vertu au talent. Il en fut ainsi chez une Toulousaine, Gabrielle Lecoignard. Mais à la différence des femmes poètes du Midi, elle chercha ailleurs que dans les lettres antiques la source de sa poésie. Son inspiration fut toute chrétienne. Gabrielle de Coignard prélude déjà aux grands accents de la poésie religieuse du XVIIe siècle. La direction que cette pieuse mère éducatrice donna à son talent la rapproche de ces femmes du Nord et du Centre qui célèbrent généralement dans leurs vers les affections domestiques, les sentiments religieux, et chez lesquelles la raison l'emporte sur la passion. Dans ce dernier groupe, qui va nous arrêter quelque peu, les dames des Roches, Madeleine Neveu et sa fille, Catherine de Fradonnet, chantent l'une l'amour maternel, l'autre l'amour filial. Elles s'inspirent et se dédient réciproquement leurs œuvres. Poète tour à tour énergique et gracieux, Catherine écrivait mieux que sa mère, et cependant elle n'avait d'autre but que de contribuer à la gloire de cette mère adorée. Leur salon de Poitiers était, comme on l'a nommé, une académie de vertu et de science, qui devança l'autel de Rambouillet et où l'on ne séparait pas de l'expression du beau la pensée du bien. Étienne Pasquier fut le commensal de cette maison et lui consacra un poétique souvenir. La mère et la fille surtout, se firent remarquer par leur érudition. Livrée avec ardeur à l'étude du grec, Catherine traduit avec sa mère le poète Claudien et seuls les vers dorés de Pythagore. Elle cherche même à imiter Pindare. Ainsi que sa mère, Catherine de Fradonnet défend la cause de l'instruction des femmes. Et elle avait quelque droit de le faire, cette noble fille qui, tout entière au dévouement filial, joignait les occupations du foyer au labeur de l'esprit. Elle s'était plu à traduire l'admirable portrait de la femme forte. Et de même qu'Érine, la vierge grecque, elle célébra la quenouille qu'elle maniait comme la plume. Cette mère et cette fille, qui s'aimaient si tendrement, vécurent de la même vie, et comme l'avait prophétisé l'une d'elles, moururent de la même mort. l'amour filial inspira une autre femme poète que Catherine de Fradenay. Camille de Morel consacra son meilleur poème à la mémoire de son père. Modeste et instruite, elle écrivit ainsi que ses deux sœurs des vers français et latins. Toutes trois héritières du talent poétique qui distinguait leur père et leur mère, elles furent nommées les trois perles du XVIe siècle. Avec leur mère Antoinette de Loanne, elles appartiennent à la pléiade de femmes poètes que Paris ne pouvait manquer d'avoir aussi bien que Lyon, et où se confondent grandes dames et bourgeoises. Je ne peux nommer toutes les femmes que leur mérite littéraire fit remarquer soit à la ville, soit à cette cour de France, où brillèrent les plus célèbres Marguerite d'Angoulême et sa petite nièce. Je citerai cependant Anne de Lautier, douée des grâces de la vertu et du savoir, Henriette de Nevers, princesse de Clèves, à qui pouvait s'appliquer le même éloge, la belle et spirituelle Madame de Villeroy, qui traduisit les épîtres d'Ovide, la mère de l'avocat général Servin, Madeleine Deschamps, qui versifiait en français, écrivait en latin et en grec, la duchesse de Retz, dont j'ai mentionné plus haut la célèbre harangue latine, et qui s'illustra plus encore par son immense érudition que par ses vers. Nicole Étienne et Modeste Dupuis, apologistes de leur sexe. La seconde prit pour thème le mérite des femmes, sujet que devait immortaliser un poète plus rapproché de nous. Au groupe parisien appartient aussi Jacqueline de Miremont, qui défendit dans ses vers la foi catholique contre le protestantisme. En ces temps de lutte religieuse, la poésie même devenait une arme de combat que les femmes manièrent dans diverses régions de la France. Adne Marquet, religieuse de Poissy, célébrée par Ronsard, compta avec Jacqueline de Miremont parmi les champions du catholicisme. Chez les protestants se distingua Catherine de Parthenay, l'héroïne du siège de La Rochelle, la savante grande dame qui avait entretenu avec sa mère une correspondance latine et qui possédait assez bien le grec pour traduire un discours d'Isocrate. Mais les loisirs de l'étude ne passèrent pour elle qu'après l'éducation de ses enfants. Elle y réussit, et ses filles, qu'elle eut d'un Rohan, sont connues par l'héroïsme de leur conduite et par la culture de leur esprit. L'une d'elles lisait la Bible en hébreu. Mais bien loin des controverses, dans la suave atmosphère du sentiment religieux, qu'appuie une foi absolue, une plus douce influence était réservée à notre sexe. C'est pour diriger l'âme élevée, délicate de la femme, que le plus aimable des saints écrivit tant de lettres esquises, parmi lesquelles celles qu'il adressa à Madame de Charmoisie, formèrent l'introduction à la vie dévote. Dans cet admirable traité, la plus haute spiritualité se mêle au sens pratique de la vie. Ou plutôt, c'est par cette spiritualité même que saint François de Sales donne, pour toutes les conditions de la vie, une règle de conduite plus que jamais nécessaire au milieu du chaos moral qu'avait produit le XVIe siècle. Nous avons déjà indiqué le profit que les femmes pouvaient tirer de ces fortes et douces leçons, qui leur apprenaient que la piété des gens mariés ne doit pas être la piété monacale des religieux, et que c'est une fausse dévotion que celle qui nous fait manquer au devoir de notre État. Divers sont les sentiers qui mènent à la vie éternelle, mais sur chacun d'eux, saint François de Sales fait luire le divin rayon, qui en illuminant au-dessus de nos têtes un vaste pan du ciel, éclaire notre route sur la terre, et nous permet même de cueillir les fleurs que la bonté de Dieu a semées jusqu'au milieu des rochers. Ce rayon conducteur, c'est l'amour, l'amour qui cherche Dieu dans son essence adorable et dans les âmes qu'il a créées. C'est ainsi avec l'amour de Dieu, l'amour de la famille, c'est l'amitié, c'est la charité. Saint François de Sales consacra un traité à l'amour de Dieu. Et pour publier cette œuvre, que de pressants appels il reçut de l'âme sainte, qui, avant de se confondre au ciel avec la sienne, s'y était unie ici-bas dans le grand et religieux sentiment qui était le sujet de ce pieux ouvrage. On a nommé Sainte Chantal, Sainte Chantal à qui l'évêque de Genève adressa ses plus touchantes lettres. Saint François de Sales trouva ainsi dans les femmes qu'il dirigeait l'inspiration ou l'encouragement de ces œuvres dont la haute et salutaire doctrine emprunte à la nature les plus ravissantes images, à la langue du XVIe siècle, les tours les plus naïfs et les plus gracieux, pour faire pénétrer dans les âmes ses enseignements. Dans cet ordre de la visitation que saint François de Sales avait fondée avec Madame de Chantal, dans la maison mère d'Annecy, la mère de Chougui devait écrire sur la sainte fondatrice des mémoires. qui appartiennent par leur date et par leur style au XVIIe siècle, mais qui ont gardé du siècle précédent la grâce vivante que saint François avait transmise à ses filles spirituelles. Parmi les femmes qui furent en correspondance avec saint François de Sales se trouvait Mademoiselle de Gournay, l'émancipatrice qui, plus haut, nous a fait sourire. Mademoiselle de Gournay, la savante fille d'Alliance de Montaigne, et dont la studieuse jeunesse fut le rayon qui éclaira les derniers jours du philosophe. « Je ne regarde plus qu'elle au monde, » dit celui-ci avec un attendrissement bien rare sous sa plume. « Si l'adolescence peut donner présage, cette âme sera quelque jour capable des plus belles choses, et entre autres de la perfection de cette très sainte amitié, où nous ne lisons point que son sexe ait pu monter encore. » Mademoiselle de Gournay vengea son sexe en gardant à Montaigne, au-delà du tombeau, le plus tendre dévouement. Après la mort de son vieil ami, elle ne se contenta pas d'aller le pleurer avec sa femme et sa fille, et de braver pour cela les fatigues et les dangers d'un long voyage, accompli en pleine guerre civile. Elle prépara avec des soins infinis une nouvelle édition des œuvres de son maître, édition qu'elle devait faire réimprimer 40 ans après. Cette jeune fille, qui, élevée par une mère ignorante, dont l'unique souci était de la confiner dans les soins du ménage, avait appris sans maître, sans grammaire, la langue latine, en comparant des versions à des textes, et qui avait aussi étudié les éléments du grec. Cette jeune fille se servit d'abord de son instruction si péniblement acquise pour traduire tous les passages grecs, latins, italiens, que Montaigne avait cités. Elle en indiqua la provenance, soin que n'avait pas pris l'auteur. Enfin, elle se dévoua à la gloire de son ami, avec cette puissance d'affection qui lui avait naguère reconnue, et qui était pour elle un besoin. Ne disait-elle pas elle-même que l'amitié est surtout nécessaire aux esprits supérieurs? La chaleur de son âme se répandait sur tous ses travaux. Elle y joignait un profond sentiment moral, et cherchait bien moins dans les œuvres littéraires la perfection du style que le fond même des idées. Aussi ses auteurs préférés étaient-ils les philosophes, les moralistes, parmi lesquels cependant, par un bizarre contraste, elle avait voué une si tendre admiration à l'illustre écrivain, dont le doute universel était en complet désaccord avec les fermes principes de sa fille d'alliance. Les sentiments élevés et profonds de Mademoiselle de Gournay se révèlent dans tous ses écrits, et pour elle, comme pour Madame de la Trémouille, les lettres n'étaient qu'un apostolat. Française, elle chanta dignement Jeanne d'Arc. Catholique de cœur et d'action, elle flétrit la fausse dévotion. Femme destinée à vieillir et à mourir, sans avoir reçu les titres d'épouse et de mère, elle comprit l'amour maternel. C'est elle qui a dit « l'extrême douleur et l'extrême joie du monde consiste à être mère ». L'étude, on le voit, n'avait pas desséché son cœur. Comme la tendresse, l'enthousiasme lui étaient naturels. Elle s'éleva avec force contre les critiques qui ne savait que dénigrer et jamais admirer. Par malheur, son style ne fut que rarement à la hauteur de ses pensées. Il est souvent alambiqué. Mademoiselle de Gournay avait vécu dans un temps qui fut pour la langue une époque de transition. La fille d'Alliance de Montaigne ne marcha pas avec ce XVIIe siècle, pendant lequel s'écoula la plus grande partie de sa vie. Née en 1565, elle mourut en 1645. Pour tout ce qui concerne Mademoiselle de Gournay, l'étude que lui a consacrée M. Feugère à la suite de son ouvrage « Les femmes poètes du XVIe siècle ». Elle garda les traditions du siècle précédent. Contraire à la réforme qu'opérait Vaugelas, elle eut le tort de ne pas comprendre que l'épuration de la langue était nécessaire, mais en combattant pour le maintien de toutes les anciennes formes du langage, elle eut du moins le mérite de protéger et de sauver bien des mots que l'exagération habituelle aux novateurs voulait supprimer, et qui ont demeuré dans notre langue. Il est à regretter que Mademoiselle de Gournay n'ait pas réussi à en conserver davantage. Monsieur Sainte-Beuve a justement remarqué que l'école romantique de 1830 se servit d'arguments analogues à ceux de Mademoiselle de Gournay, pour que la langue ne perdît aucune des richesses qu'elle avait acquises. Les femmes du XVIe siècle avaient contribué à enrichir la langue, et aussi à l'épurer. Après Monsieur Nisard, je rappelais plus haut que l'Heptaméron était le premier ouvrage français que l'on put lire sans l'aide d'un vocabulaire. Il était naturel que ce fût l'œuvre d'une femme qui offrit pour la première fois cette langue déjà moderne, et qu'une autre femme, la troisième Marguerite, devait manier avec l'élégante brièveté qui annonce le XVIIe siècle. Vaugelas n'a point constaté en vain l'heureuse influence de la femme sur la formation de notre idiome. Cette influence s'était déjà produite au Moyen Âge. Charles IX avait semblé reconnaître cette dette de la langue française, alors que fondant une espèce d'académie qui s'occupait de littérature aussi bien que de musique, il y admettait les femmes. Mademoiselle de Gournay avait une précieuse ressource pour défendre ses vues grammaticales, l'Académie française, dit-on. L'Académie, alors naissante, se réunissait quelquefois chez elle, et il semble que dans les séances de la docte compagnie, l'opinion de Mademoiselle de Gournay n'était pas dédaignée. On croit que cette femme distinguée parut dans le salon célèbre qui eut, lui aussi, une action sur la langue française, la chambre bleue de la marquise de Rambouillet. Dans les conversations que nous offrent les contes de la reine de Navarre, nous avons pu voir, avec la charmante vivacité de l'esprit français, une galanterie qui manquait souvent de délicatesse. Les libres propos n'effrayent pas trop les gaies causeuses, et elles ne se bornent pas toujours à les écouter. Les guerres civiles qui marquent tristement la seconde moitié du XVIe siècle et qui firent de la France un vaste camp, ajoutèrent encore à la vieille licence gauloise la grossièreté des allures soldatesques. D'ailleurs, le dérèglement du langage ne répondait que trop à celui des mœurs. Aux heures de crise nationale, ceux qui ont vécu longtemps en face de la mort suivent deux tendances bien opposées. Les uns se détachent plus aisément des choses d'ici-bas pour reporter vers le ciel leurs pensées attristées, et ne s'occupent de la terre que pour soulager les malheurs que la guerre a amenés. Nous verrons dans le chapitre suivant que ces âmes furent nombreuses au XVIIe siècle. Mais pour beaucoup d'autres, il semble qu'une fois le péril passé, elles cèdent à une réaction qui les précipite dans les plaisirs terrestres. L'amour sensuel qui déjà dominait sous les Valois régnait sous Henri IV. Ce n'était pas seulement le ton d'une galanterie soldatesque qui prévalait alors, c'était aussi la rudesse du langage ordinaire. Pour nous qui avons vécu dans les temps où la guerre civile ou la guerre étrangère menaçait jusqu'à nos foyers, nous savons combien l'héroïsme des sentiments se développe alors, mais combien aussi le langage devient aisément dur et même trivial pour traduire les impressions violentes que cause l'âpreté de la lutte, l'imminence du péril, la lâcheté des uns, la barbarie des autres. Toutes nos énergies sont alors décuplées. Mais nous perdons la grâce, la délicatesse, la mesure du savoir-vivre. La grandeur était en quelque sorte dans l'air dès le commencement du XVIIe siècle, dit M. Cousin. La politique du gouvernement était grande, et de grands hommes naissaient en foule pour l'accomplir dans les conseils et sur les champs de bataille. Une sève puissante parcourait la société française. Partout de grands desseins dans les arts, dans les lettres, dans les sciences, dans la philosophie. Descartes, Poussin et Corneille s'avançaient vers leur gloire future, pleins de pensées hardies sous le regard de Richelieu. Tout était tourné à la grandeur. Tout était rude, même un peu grossier, les esprits comme les cœurs. La force abondait, la grâce était absente. Dans cette vigueur excessive, on ignorait ce qu'était le bon goût. La politesse était nécessaire pour conduire le siècle à la perfection. L'hôtel de Rambouillet en tint particulièrement école. Il s'ouvre vers 1620 et subsiste à peu près jusqu'en 1648. Le beau temps de l'illustre hôtel est donc sous Richelieu et dans les premières années de la Régence. Pendant une trentaine d'années, il a rendu d'incontestables services au goût national. Il était digne d'une femme de remplir une mission qui avait à la fois pour but de spiritualiser les mœurs et d'épurer le langage. C'est l'honneur de la marquise de Rambouillet d'avoir entrepris cette tâche et d'y avoir fait concourir tous les avantages qu'elle possédait. La naissance, la fortune, une imposante beauté, un esprit cultivé, un caractère plein de noblesse. Elle fut admirablement secondée dans son œuvre par ses filles, surtout par la plus célèbre de toutes, Julie d'Angennes, plus tard Madame de Montausier. Alors dominaient en France deux influences étrangères qui altéraient l'originalité, toujours vivante cependant de l'esprit national. Les reines issues des Médicis avaient introduit parmi nous le goût de la littérature italienne. La reine Anne apporta, ou plutôt fortifia, celui de la littérature espagnole. L'hôtel de Rambouillet prétendit à les unir. Fille d'une noble romaine et d'un ambassadeur de France à Rome, née dans la ville éternelle, femme d'un grand seigneur français qui avait représenté notre pays en Espagne, Madame de Rambouillet devait naturellement se plaire à combiner avec l'esprit français les deux éléments étrangers qui lui étaient familiers. Le genre espagnol, c'était au début du XVIIe siècle la haute galanterie, langoureuse et platonique, un héroïsme un peu romanesque, un courage de paladin, un vif sentiment des beautés de la nature, qui faisait éclore les églogues et les idylles en vers et en prose, la passion de la musique et des sérénades, aussi bien que des carousels, des conversations élégantes comme les divertissements magnifiques. Le genre italien était précisément le contraire de la grandeur, ou si l'on veut, de l'enflure espagnole, le bel esprit poussé jusqu'au raffinement, la moquerie et un persiflage qui tendait à tout rabaisser. Du mélange de ces deux genres sortit l'alliance ardemment poursuivie, rarement accomplie, en une mesure parfaite, du grand et du familier, du grave et du plaisant, de l'enjoué et du sublime. À l'hôtel de Rambouillet, le héros seul n'eût pas suffi à plaire. Il y fallait aussi le galant homme, l'honnête homme, comme on l'appela déjà vers 1630 et comme on ne cessa de l'appeler pendant tout le XVIIe siècle. L'honnête homme, expression nouvelle et piquante, type mystérieux qu'il est malaisé de définir et dont le sentiment se répandit avec une rapidité inconcevable. L'honnête homme devait avoir des sentiments élevés. Il devait être brave, il devait être galant, il devait être libéral, avoir de l'esprit et de belles manières, mais tout cela sans aucune ombre de pédanterie, d'une façon tout aisée et familière. Tel est l'idéal que l'hôtel de Rambouillet proposa à l'admiration publique et à l'imitation des gens qui se piquaient d'être comme il faut. Les femmes étaient reines à l'hôtel de Rambouillet. On les y nommait les illustres, les précieuses, nom qui alors n'avait rien que d'honorable. Elles font revivre cet amour qu'avait exalté le Moyen-Âge et qui n'avait jamais totalement disparu, même à la cour des Valois. L'amour pur, chevaleresque, l'amour inspirateur des grandes et valeureuses actions. Mais au lieu de le chercher dans nos vieilles mœurs françaises, les précieuses le prennent dans les livres espagnols, qui leur offrent avec l'héroïsme des beaux sentiments l'enflure du faux point d'honneur. Pour elles, la plus grande gloire consiste à voir se consumer dans les flammes d'un amour platonique le plus grand nombre d'adorateurs. Y eut-il même parmi eux un prétendant noble et loyal qui n'aspira qu'à devenir un fidèle époux. Il ne tint pas à mademoiselle de Rambouillet que l'honnête Montausier ne subit ce triste sort. Et si la belle Julie n'avait enfin cédé aux instances de sa mère et de ses amis, il n'eût pas suffi d'une attente de 14 années pour obtenir sa main. C'était la marquise de Sablé qui avait fait goûter aux précieuses la fierté castillane. Elle avait conçu une haute idée de la galanterie que les Espagnols avaient apprise des morts. Elle était persuadée que les hommes pouvaient sans crime avoir des sentiments tendres pour les femmes, que le désir de leur plaire les portait aux plus grandes et aux plus belles actions, leur donnait de l'esprit et leur inspirait de la libéralité et toutes sortes de vertus, mais que, d'un autre côté, les femmes qui étaient l'ornement du monde et étaient faites pour être servies et adorées des hommes ne devaient souffrir que leur esprit. Situation périlleuse cependant que celle-là. Une noble habituée de l'hôtel de Rambouillet, la duchesse d'Aiguillon, s'en aperçut, elle qui, pour terminer l'éducation de son neveu, le duc de Richelieu, lui avait, suivant l'usage du temps, inspiré une passion platonique pour une honnête jeune femme, et avait ainsi préparé la mésalliance qui la fit tant souffrir.